Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est Random. 106,6 MHz. 106,6 Hacker du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random. L'émission préférée des M-Tech. Oh, comme c'est fort. Voilà, donc bienvenue sur Random, bonsoir à tous. Donc je vais commencer par faire le tour de la table, on est un petit peu nombreux ce soir, c'est bien. Donc voilà, donc avec nous on a Little Charlie. Bonsoir. On a DB, comme d'hab. Bonsoir, bonsoir. Ensuite nous avons, je vais te laisser te présenter. Monsieur Hertz. Monsieur Hertz. Bonsoir. Ensuite. Et ensuite c'est Alix, bonjour. Bonsoir. Voilà. On explose le quota, il y a quasiment plus de place dans le studio. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner avec les actus. Donc ce soir, pendant les actus, on va parler de Google en Chine. Ensuite, on abordera la mission Zelnik. Après, Gemalto avec le problème des cartes bancaires en Allemagne. On fera un petit tour sur les scans corporels, les aéroports. On va également parler de FIC 2010 et d'un petit collégien à Arras qui a fait parler de lui. Voilà. On a aussi une actu. Je l'ai pas. Non, t'as cité tout ce qu'on avait mis, je crois. D'accord. Ok. Voilà, après, on fera un petit développement sur la mission Zelnik. Ensuite, dans le développement, il y aura. Un sujet technique sur les radiocommunications, donc qui sera fait par notre invité du soir, monsieur Hertz. Monsieur Hertz, tout à fait. Et puis, on finira par l'agenda, comme d'hab. Voilà. Et donc pour cette septième émission, on a mis un réseau en place, donc vous pouvez discuter avec nous sur le réseau Silk, donc silk.dg-sc.org, et donc on vous répond. Voilà. On vous répondra à toutes vos questions en direct. C'est beau. Voilà, donc on va commencer avec les actus. On va parler un petit peu de Google Chine. Ouais, parce qu'il lui arrive pas mal d'aventures à Google en Chine. Donc l'autre soir, c'était il y a 2-3 jours, Google a annoncé, donc pendant la nuit en France, Google a annoncé sur son blog officiel que ils arrêtaient de filtrer les requêtes donc sur le google.cn, donc le Google chinois. Faut savoir que Google, donc, quand ils se sont installés en Chine, eh bien, donc, ils ont été obligés de collaborer avec les autorités locales, qui leur ont dit non, nous on filtre, donc on veut que les requêtes Google soient filtrées. Donc Google a été obligé d'obtempérer, ça a été quand même une entorse grave, la première entorse grave aux pratiques habituelles de Google. Qui s'oppose en fait là-dessus. Et puis donc Google qui a le fameux slogan Don't do evil, c'est-à-dire Google n'est pas là pour faire du mal. Et donc en Chine ils ont été obligés quand même. Et là ils ont traqué en fait un certain nombre de malveillances qui avaient été faites sur leur service Google Mail, donc Gmail. Et ils se sont aperçus qu'en fait, un certain nombre de comptes Gmail avaient été piratés et que, donc, pendant leurs investigations, il s'est avéré que ces comptes appartenaient à des activistes politiques chinois. Enfin, des activistes politiques sur les dossiers chinois. Et pas forcément que des Chinois, d'ailleurs, aussi des Européens, des Américains. Et il s'est avéré qu'en fait, ces attaques venaient de Chine. Donc ils ne savaient pas trop et là, ils ont dit « bon, il y en a marre ». On annonce donc qu'on arrête de filtrer, quitte à se faire virer de Chine. Et donc ils ont dit qu'ils étaient ouverts à des négociations éventuelles, mais que là maintenant ils filtraient plus. Donc le premier jour Donc l'annonce a fait, l'effet d'une bombe absolument partout dans le monde. Les Chinois l'ont entendu. Ils se sont rués sur un certain nombre de liens qui étaient de nouveau, qui étaient pour la première fois accessibles depuis Google dans toute l'histoire de la Chine, notamment des choses sur Tiananmen. Les stats de Google à ce sujet sont assez éloquentes. Et donc voilà, Google arrête de filtrer en Chine. Et le gouvernement chinois n'a pas réagi tout de suite, il a réagi que quelques jours plus tard, deux jours plus tard je crois. Et il filtre Google maintenant, tout bêtement. Donc les requêtes sont plus filtrées par Google mais par le gouvernement. Et ça revient au même, hein. C'est exactement tout pareil, sauf que maintenant il y a une liste noire. Et le premier qui essaye de choper un certain nombre de sites depuis la Chine se fait directement mettre en liste noire sans autre forme de procès et sans possibilité de récupérer. C'est la Hadopi au carré, quoi. Là, c'est la Hadopi plus. Et donc voilà ce qu'il y avait à dire un petit peu là-dessus. Donc au niveau technique, on pourrait peut-être parler de ce qui a été utilisé pour mettre à mal donc Google, Yahoo et d'autres entreprises américaines en fait. C'est une faille d'Internet Explorer qui a permis donc de récupérer des droits. Donc c'est l'attaque, elle s'appelle Aurora. D'accord, ouais, c'est ce que nous dit Gutek là sur IRC, enfin sur Silk plutôt. Et donc voilà, il y a une donc c'est une faille dans IE, dans Internet Explorer, comme d'habitude. Tiens, comme on le retrouve lui. C'est toujours pour en dire du mal qu'on parle de lui d'ailleurs. Parce que les détails n'ont pas été révélés tout de suite par Google, il me semble. Ils ont été révélés que par la suite. Bon, et donc voilà, ça c'est pour les aventures de Google au pays du grand firewall chinois, de la grande muraille virtuelle de Chine. Et c'est pas la seule actu de Google dans la semaine, enfin dans la quinzaine depuis l'émission précédente. Il y a aussi Google qui a été un petit peu chahuté par notre cher président Sarkozy au moment de dans son discours des vœux à la culture. Des vœux au personnel du ministère de la Culture, qui a expliqué que Google, oui, ils abusent de leur position dominante, etc., etc. Faut juste comprendre que ça, c'est une stratégie visant, en fait, à faire taire Google absolument, parce que, pour faire passer, donc les conclusions du rapport Zelnick, je ne ferai pas de jeu de mots sur le nom de cette personne, mais il y en a quand même à faire, hein. Il s'appelle Nick à la fin quand même. Mais bon, donc je ne dirai rien là-dessus. Et donc monsieur Zelnick, putain, j'ai vraiment envie de le faire. Mais donc monsieur Zelnick a décidé qu'il fallait, enfin, a déclaré qu'il faudrait quand même faire passer une taxe Google histoire de taxer les revenus de la publicité. Hein, donc voilà, donc ça on va en reparler un petit peu par la suite. Mais donc voilà, Google qui s'en prend quand même pas mal dans la tête, là, juste pour le fun, de notre super président français. On va reparler un petit peu de la mission Zelnick dans la deuxième partie de l'émission. Alors ensuite, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non? Bon, bah je continue. Donc ensuite, une autre news assez intéressante, qui est assez rigolote également, c'est en Allemagne. 30 millions d'Allemands se sont retrouvés sans carte bleue, sans carte bancaire au 1er janvier. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que leurs cartes bancaires n'ont pas passé l'année 2010. Donc, tout simplement, en fait, c'était un bug dans les cartes bancaires de ces Allemands et de ces Allemandes. Et c'était, en fait, tout bêtement, la faute à Gemalto. Donc Gemalto, leader mondial du marché des cartes à puces. C'est un constructeur français, parce que la carte à puce c'est une spécialité locale de notre beau pays, voyez-vous. Et donc ces cartes bleues, ces cartes bancaires, en fait, elles ont tout bêtement pas passé l'année 2010, et des 30 millions d'Allemands se sont retrouvés sans carte bleue après les fêtes. C'est quand même assez génial comme idée, et tout ça à cause d'une erreur technique et tout. Comme quoi, en fait, bon. Les technologies qu'on nous vend comme étant les technologies vitales, hein, parce que bon, la carte bleue, tout le monde l'utilise. On a parlé il y a 15 jours de GSM qui s'est pris une méchante baffe dans la tête parce que l'algorithme de chiffrement qui datait des années 80 n'avait jamais été renouvelé. Et puis là, bon, on apprend quand même que d'un coup, comme ça, gratuitement, 30 millions d'Allemands se retrouvent sans carte bleue. Bon, les technologies qu'on nous vend comme étant fiables ne le sont en réalité pas. Elles ne le sont pas parce que l'erreur est humaine. Et que tout bêtement, sur la sécurité, l'intégrité de ces données, etc., il faut qu'on les croie sur parole. Ben voilà, ça pose quand même un certain nombre de problématiques. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? Qu'est-ce qu'on fait quand ça déconne? Est-ce qu'on aurait pu le prévoir, etc. La réponse est évidemment difficile à formuler de manière vraiment concrète, mais ce qui est sûr, c'est qu'on éviterait quand même un certain nombre de problèmes si on laissait la recherche indépendante sur ces technologies-là pouvoir se faire. Notamment la recherche sur les cartes bleues, ce qui n'est pas faisable en France. C'est un sujet extrêmement sensible dans notre beau pays tricolore, mais c'est un sujet également sensible ailleurs. Et c'est ce qu'on voit là-bas en Allemagne. Absolument personne ne l'a vu venir, et ça aurait peut-être été différent s'il y avait eu la possibilité pour des chercheurs indépendants de vérifier concrètement la sécurité et la fiabilité de ces technologies. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Donc pour les infos, on clôture là ou... Pour les infos, on clôture là. Non, j'avais encore 2-3 trucs à dire. Non. Au niveau des infos, j'ai une info un peu toute fraîche. De Bortmeyer, donc un ancien employé de la FNIC qui bosse chez Gandhi maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr, et donc qui nous dit qu'il y a du DNS poisoning sur l'un des résolveurs de Free. C'est-à-dire que quand on interroge l'un des DNS de Free, il répond pas la bonne IP pour Wiz.net en fait. Donc il Wiz.com en fait. Il devrait répondre 67.255, etc. Et il répond 94.102, qui est en Turquie et pas là où c'était hébergé. Donc voilà. Cool. Donc il faut pas utiliser les résolveurs de Free. Ça tombe bien, ici on a nos propres résolveurs. Ouais, on a nos propres DNS à nous. Donc en gros, là, Free vient de se faire pôner ses DNS là. Juste un résolveur sur les deux utilisé pour. C'est lequel? C'est pour la DSL, je crois. C'est lequel des deux? Le 240. Ouais, je l'utilise pas celui-là, ça. Donc voilà, c'était pour la news toute fraîche. Bortmeyer qui a dit des choses un peu. Enfin, qui a eu un regard assez critique sur le texte qu'on a publié cet été, le manifeste. S'il veut en parler, bah, il a qu'à nous contacter, mais globalement, il y aura une réponse à ce texte, un de ces quatre, parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec sa vision des choses. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on pourrait continuer? Ouais, on avait quand même annoncé, donc on va quand même les dire. L'aéroport d'Heathrow, donc à Londres, en Angleterre, qui est l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, va donc mettre en place, suite aux divers incidents qui se sont passés ces derniers temps dans les aéroports européens, notamment Amsterdam, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient donc s'équiper de scanners corporels. Alors le scanner corporel, c'est un truc donc au rayon X ou au rayon quelques rayons que ce soit. Les spécialistes électroniques, c'est bien des rayons X dans les... Scanner corporel, je dirais qu'en fait ça va passer à travers. C'était des rayons X, donc le but c'est d'avoir juste ce qu'il y a sous les fringues, je crois. Donc je partirais pour un truc peut-être à ultrasons, quelque chose comme ça. Non, il parlait de. Dans les gigahertz ou les dizaines de gigahertz en fait, au niveau des fréquences radio. D'accord. Donc je sais pas ce que c'est. C'est juste plus violent au niveau du corps, mais bon. Non, là. Donc c'est système radio. Voilà. En fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes où on détecte en fait le bruit thermique émis par un corps supérieur au zéro absolu, et plus c'est chaud, plus ça émet. Mais de là à vérifier que ce soit cette méthode-là qui est employée, on peut... D'accord. Bon, donc voilà. Donc là, des scanners corporels vont être installés. Alors ça pose un léger problème, parce qu'en Angleterre, ils ont une loi sur la pédopornographie qui date des années 70, et qui est une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de représenter des images ou des pseudo-images de corps d'enfants nus. Ce qui veut dire que l'image qui va être générée par, par le scanner corporel dans le cadre d'un enfant, enfin dans le cas d'un enfant, et ben cette image sera illégale. Donc voilà un petit peu les problématiques. Jusqu'où va la sécurité, jusqu'où peut-on aller en termes de sécurité et en termes de technologie sécuritaire pour garantir la sécurité des personnes tout en évitant quand même les abus. Et là, clairement, une loi de 30 ans sur la pédopornographie, la faire tomber juste parce qu'il y a des imbéciles qui veulent faire péter des bombes dans les aéroports pour se rendre intéressant. Voilà, est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre liberté, notre intégrité physique, morale et notre dignité juste pour contrecarrer les plans diaboliques de certains fous? Bon, ça se discute. Ce qu'il ne faudrait pas, en fait, c'est que, par exemple, ils fassent passer la loi à moitié en disant, voilà, le scanner corporel, ce sera obligatoire que pour les adultes, et que, du coup, les enfants, ils passent à côté, et que certains fous, justement, en profitent pour envoyer des enfants suicidaires, entre guillemets. Ce serait un peu ouais. Poussé. Sachant que la folie n'a pas de limite. De toute façon, là, pour les affaires de terrorisme, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure sécuritaire qui est mise en place, de toute façon, les terroristes trouvent une autre solution. Voilà. On avait parlé de la sécurité pour les vols internationaux. Maintenant, les terroristes prennent des vols nationaux pour éviter les mesures de sécurité un peu renforcées. Voilà, donc là, on est en train de bouger les mesures de sécurité des vols internationaux, de les appliquer aussi aux vols nationaux. C'est un peu une course à l'armement qui est... Ce qui peut aussi pousser ça, c'est que les sociétés qui ont créé les scanners corporels, ils veulent les vendre. Donc ils vont faire, à mon avis, du lobby, ils vont pousser pour qu'effectivement... Faites votre loi justement que pour les adultes, au moins on va vendre les scanners corporels et que ça arrivera justement à ce genre de déviance. Je pense qu'ils doivent au moins les écouler leur matériel. Et marché, tout ça, pot de vin, ainsi de suite. Et là, tu m'offres une transition absolument rêvée. On en est à la 7e émission de radio quand même, donc on commence à y arriver. Donc en parlant de lobby militariste et du complexe militaro-industriel, on a donc un truc assez rigolo qui va se passer à Lille. Les 31 mars et 1er avril prochains, et c'est pas un poisson d'avril, c'est le Forum international sur la cybercriminalité. Alors faut pas... c'est un nom très pompeux, Forum international sur la cybercriminalité, ça veut juste dire qu'il va y avoir 3 gendarmes et un ministre qui vont discuter de comment ils vont filtrer Internet et de comment ils vont censurer les réseaux de communication. Donc ça se passe au Grand Palais, c'est la 3e édition, la première ça avait été fait à l'initiative de Michel Alliomarie, et donc il y a un truc assez rigolo, ils ont un site web assez mauvais, en PHP 4 quand même, waouh, les super technologies que les super militaires français utilisent, PHP 4. Avec l'année dernière, quelques plantages au moment de l'inscription. Il y a eu des problèmes avec la base MySQL, une inscription qui n'était pas validée, mais en essayant de refaire l'inscription, elle était quand même dans la base de données. C'est des super sites web super bien conçus, très respectueux des standards, avec des URL super jolies. C'est pire que ça, en fait, le site, c'est un honeypot, vous n'avez pas compris. ouais, en fait, c'est ça. Et donc, le FIC 2010, là, vient donc de publier cette semaine, comme quoi le site a fait peau neuve et tout, et que maintenant, ça y est, ils en sont à l'édition 2010. C'était quand même pour dans 2 mois, ça veut dire qu'il y a encore une semaine, c'était encore l'édition 2009. Hein. C'est dire que non seulement le site web est super bien conçu, mais en plus de ça... il est super à jour. Les mecs, ils font vraiment de l'effort là-dessus. Et donc, le FIC 2010, j'ai été personnellement au courant de que ça y est, ils vont faire le FIC 2010 à Lille, sur Wikipédia, je suis abonné à la page... je suis en fait les modifications de la page, cybercrime de Wikipédia, et on a vu un nom d'utilisateur, une personne qui s'est inscrite pour la première fois à Wikipédia, et sa première contribution est directement d'aller faire de la pub pour le FIC. Génial, donc publicité sur Wikipédia, je reverte j'annule la modification qui a été remise ensuite, puis réannulée. Et je me rends compte qu'en fait ce nom d'utilisateur correspond au nom de famille d'une personne qui bosse pour le service presse, qui bosse pour une boîte qui s'occupe du service presse du FIC. C'est génial. Donc après, les pushings d'informations et de publicité d'un certain nombre de services d'État pour aller essayer de faire passer, d'adoucir un petit peu le message sur la loi Hadopi et sur d'autres lois sécuritaires avant, et ben là on voit clairement voilà, le pushing donc de le pushing publicitaire pour un salon sécuritaire dans la page cybercrime. C'est cool, on se rend compte que quand même les gens savent pas utiliser Wikipédia, qu'ils y connaissent vraiment rien, qu'ils abandonnent après deux modifications annulées et deux contributions annulées et qu'ils cherchent même pas à discuter. J'ai laissé un message sur la page de discussion utilisateur de cette personne et personne n'a pas répondu, donc voilà un petit peu. Donc bon, voilà, si vous voulez un petit peu vous mettre au courant de ce qui va vous arriver dans la tête. Je pense que l'intervention sur Wikipédia vaut son pesant de cacahuètes. Je peux peut-être lire le dernier paragraphe. Oui, je t'en prie, elle est terrible. Bon. Lancé en 2007, le FIC devient peu à peu le rendez-vous annuel incontournable des acteurs de la lutte mondiale contre le cybercrime. L'Eurométropole lilloise est un pôle d'excellence en la matière. De par les synergies et la mobilisation des acteurs, le FIC a vocation à devenir un laboratoire d'idées européen, force de proposition pour la mise en place de politiques anticipant de nouveaux risques numériques. Anticipant de nouveaux risques numériques. Waouh. Et il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Hein. Je suis même certain que cette personne a passé un certain nombre d'heures à concocter ce superbe message. Vous inquiétez pas, c'est public, hein, c'est sur Wikipédia, donc on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller, vous pouvez aller là. Vous pouvez aller devant la super contribution de cette personne. Et autre news, et encore une superbe transition. Vous voyez que quand même on a préparé l'émission et tout, ça fait plaisir. Donc le FIC, globalement, s'est organisé notamment par les NTEC lillois. Alors les NTEC lillois, les NTEC arrageois, là, on en a pas mal entendu parler. Il y a une news qui est passée dans La Voix du Mort, qui est passé dans le Figaro, qui est passé dans un certain nombre de publications super objectives comme ça, qui font de la grande information, de la grande information de société qui intéresse tout le monde. Et donc là, il y a un collégien de 15 ans qui a piraté, qui a fait le con sur le système d'information de son collège. Donc déjà, collégien de 15 ans, on se dit, oh, à 15 ans, j'étais plus au collège quand même. Mais bon, bref, voilà. Et donc, les NTEC qui nous disent, ah oui, mais... Il y a eu une plainte du chef d'établissement qui nous a permis de retrouver son adresse IP. Un gamin de 15 ans mis en examen pour avoir fait le con sur le site, sur le système d'information de son collège. Waouh. Ça aussi, c'est de la grande information. Grâce à ça, on voit bien que la cybercriminalité va être endiguée en France, que globalement, voilà, la police veille et que on peut tous dormir tranquille. C'est cool. Ouais, et puis surtout, ce qui m'a plus fait tilter, c'est le vocabulaire employé, vraiment dramatisant la situation. Alors que c'est, voilà, il a chopé un script quelque part, il a suivi un tuto, et puis il a essayé, il s'est fait choper, et puis c'est tout. Voire même, il a même pas suivi de tuto, hein, il a juste fait clic-clic, et hop. Oui, voilà. Voilà, en fait, il voulait choper ses notes. Enfin, qui n'a pas rêvé de vouloir modifier ses notes au collège, quand même? Qui n'a pas rêvé de le faire, il n'a pas réussi, donc il a bombé. Sachant que dans certaines écoles supérieures, parfois... Non. On ne dit pas ça à la police qui nous écoute et qu'on salue au passage. Bonsoir. Non, c'est juste, oui, et puis bon, il y a tout le vocabulaire hacker derrière et tout. Ouais, le jeune pirate, hacker, pirate, ouais. Machin... Les super amalgames policiers sur le mouvement hacker, bon bah voilà. Pourtant, on leur répète assez souvent que non, c'est pas la même chose, qu'il y a des différences, mais... Non, mais il n'y a pas plus... La pédagogie, c'est répété, on va encore répéter assez souvent, je pense. Comme elle disait ma maman, il n'y a pas plus fort que je dis qu'il ne veut pas un tas. Ah. Donc, voilà. C'est clair. C'était pour... Il y a Mister Poulet qui commentait la news en disant « Ouh là là, un jeune terroriste !» Oui, ouais, c'est ça, limite. Limite était ça. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour les news. On va clore un petit peu ce blabla de quasiment 25 minutes. C'est pas mal. Par une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Une petite pause musicale, ouais. On se retrouve tout de suite après ça. Et donc vous pouvez nous appeler pendant la pause au 03 20 91 24 00. Voilà. Thank you.

pour ceux qui étaient là au début de l'émission. Donc voilà, on a emprunté le début de celle-là pour faire le jingle. Et entre les deux morceaux, vous avez pu voir un super jingle sur Matrix. Et oui, on a osé, on ne s'est pas dégonflé, on l'a fait. Voilà. Quitte à tout travailler à sur des clichés, voilà. Autant jouer un peu avec on les clichés dedans, et aller à fond. Oui. On se moque même de nous, c'est très bien. Oui, on se moque de nous. Qui se moque de nous? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. En même temps, Matrix, je crois qu'on en est tous revenus hein, quand même. C'est bon, on a fini cette période-là. Ah non, pas moi. Ah oui, c'est pour ça, les lunettes noires. Ah, ah merde. Tout à J'avais fait. Pas compris au départ. Voilà. Donc, bon, bah, trêve de plaisanterie. On va repartir sur notre développement. Donc, on avait annoncé la mission Zenik. Et on ne fera pas de jeu de mots. Non. Je l'ai sur le bout de la langue, je peux plus entendre ce nom. Tu vois bien, je sens qu'il va, il va échapper avant non. la fin. Non. Je vais pas le sortir. J'ai dit, je le ferai pas. On s'est bien conditionné. Normalement, ça sort pas. Normalement, ça sort pas. Voilà. Donc, Charles, c'est toi qui. Little Charlie. Qui fait le développement sur la mission voilà. Zelnik. Alors, bah, au niveau de la mission Zelnik, donc il y a eu un rapport qui a été repoussé d'un mois. Donc un rapport fait au ministre de la Culture donc pour un projet de loi qui sera peut-être nommé Atopie 3 parce que quand on a commencé on s'arrête plus jamais, ouais, jamais 203 de toute façon donc il y a plusieurs choses qui sont dans le rapport. Il y a donc la volonté de compenser de plusieurs façons la perte de chiffre d'affaires de nos amis industriels de la musique, par une taxe dite Google, donc sur une taxe sur les moteurs de recherche ou sur la publicité en ligne. Bah, disons que sur le texte, on n'a pas vraiment creusé. Il y a eu des informations un peu contradictoires sur cette taxe. En plus, le projet de loi n'est pas encore fait, donc ça peut être susceptible d'évoluer. Il y a la licence globale qu'on nous avait dit, mais non. Ça sert à rien, on va pas taxer les FAI pour la musique qui est téléchargée, la licence globale, non, ça se fera jamais. Et donc là, elle revient par la petite porte. Donc c'est un peu avoir le beurre, la crémière et... Oui, tout à fait, c'est le beurre, la loi Hadopi, le beurre. Donc, alors, parce qu'il faut quand même dire un petit peu tout le background historique qu'il y a derrière. Donc la licence globale, c'est quoi? C'est l'idée que, globalement, on paye un droit pour télécharger au niveau du fournisseur d'accès. Donc on vous rajoute 5 euros sur votre facture au fournisseur d'accès. Et ces 5 euros vont... Enfin, 5 euros ou 3 euros, ou peu importe. Et ils vont donc dans la poche de la SACEM et de la DAMI. Donc en gros, vous téléchargez du metal hardcore et puis ou du punk et les thunes vont chez Johnny Hallyday et Céline Dion. C'est un peu l'idée. Donc voilà. Alors on a exclu cette possibilité au moment de la loi sur les droits d'auteur, non, la date vie, donc les droits d'auteur et machin dans la société de l'information. Donc ça, c'était en 2003-2004. Ensuite, on a réécarté cette possibilité il y a quelques mois au moment des débats sur la loi Hadopi en disant non, il faut la Hadopi, il faut casser le piratage et tout et tout. Non, la licence globale, c'est pas un signal assez fort et puis c'est irréalisable et tout et tout. Et puis ben là, Monsieur Zelnik nous sort donc que ben, la licence globale, au final, ce serait quand même cool. Donc après avoir accordé la loi Hadopi, on leur file les thunes quand même, le beurre et l'argent du beurre. Et peut-être aussi le cul de la crémière avec l'injonction dans le discours présidentiel, les vœux au ministère de la Culture, de filtrer sans délai, d'expérimenter le filtrage sans délai. Donc ça rejoint... Bah, c'est un peu bizarre parce que ça rejoint à la fois la LOPSI qui est en préparation, qui veut mettre du filtrage BGP ou d'autres types de filtrage sur l'Internet français. Mais en même temps, c'est plus pour les terroristes et les pédophiles. Maintenant, ça va être aussi pour le téléchargement illégal. Et les jeux en ligne. Et les jeux en ligne. Donc, on voit que, comme pour le fichage ADN, comme pour d'autres domaines, ça se, ça devient de plus en plus ça devient de plus en plus grand, c'est le périmètre est élargi. On met le doigt dans l'engrenage et puis 3 mois après on a la main et puis 1 an après on a le bras complet. Et donc sinon dans la deuxième partie du discours présidentiel, il y a quand même un truc un peu hallucinant. Au moment où on lutte contre les paradis fiscaux, contre les fuites de capitaux, on a notre président qui nous dit on va faire des cartes prépayées pour les jeunes, pour qu'ils puissent savoir ce que ça coûte vraiment, pour qu'ils puissent acheter de la musique, pour qu'ils puissent consommer de la musique. Et donc il a annoncé une valeur faciale de 200 euros, ce qui semble un peu énorme. Mais peut-être pas pour lui, hein, pour ses gamins. mais ce qu'on oublie quand même, c'est que, par exemple, iTunes Music Store, Jamendo, qui est assez mal en plan en ce moment, ou d'autres sociétés qui vendent de la musique, sont basées au Luxembourg. Donc en fait, on favorise la fuite des capitaux français. Pas des capitaux, là ça va être les impôts, certainement des Français qui vont passer dedans, vu que c'est le gouvernement en paye 50% et c'est les industriels de la musique qui en payent 50%. Donc il y a une partie de nos impôts qui va passer dedans. Et c'est génial. Bah, au moins, en même temps, de l'argent public pour Jamendo, bon, ça passe encore. iTunes... On n'est pas sûr que ça puisse être utilisé pour de la musique libre. Par exemple, Jamendo, il y a une plateforme commerciale. Donc là, ça pourrait être le cas. Mais par exemple, Dogmazic qui a toujours du mal à boucler son budget... pour les serveurs, pour les déplacements, pour les expérimentations, ils ont fait des bornes pour télécharger des bornes un peu comme des distributeurs pour télécharger de la musique. On n'est vraiment pas sûr que pour Dogmazic on pourrait faire des dons. Ou même on avait passé de la musique de Bad Loop, de King Arsus, d'autres artistes. On pourrait pas faire des dons directement à ces personnes-là. Non, ça c'était le concept du mécénat global qui était mis en avant par Francis Muguet, par feu Francis Muguet, et puis par Richard Stallman. Bon, il est un peu hystérique Stallman, mais au moins des fois, de temps en temps, il dit pas que des conneries quand même. On sent le côté BSDiste qui ressort. C'est clair. Qui ça, moi, je sais pas de quoi vous parlez. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Donc la mission Zelnik, ou l'enfumage complet de la société de l'information par le gouvernement Sarkozy, qui continue après la loi Hadopi 1 qui s'est fait choper. Enfin, après la loi d'Abzi qui a servi à rien, à part à gâcher de l'argent public, la Hadopi 1 qui était tellement anticonstitutionnel que même le Conseil constitutionnel, qui est composé quand même de personnes qui sont pas spécialement à gauche. On a quand même ce qui est assez fort sur Hadopi et ce qui a suivi. On a quand même des responsables de l'UMP, dont Patrick Devedjian, qui ont appelé, qui ont nié le rôle du Conseil constitutionnel et qui ont dit limite si on pouvait le supprimer. Ce serait pas plus mal. Hein. On pourrait faire passer toutes les lois sécuritaires qu'on veut. Ce serait quand même beaucoup plus cool. Non, mais c'est vrai, la démocratie, ça a quand même des aspects chiants quand on veut faire de la sécurité. Ouais. On revient dans le vif du sujet, là. Ouais, ouais, voilà. Tout à fait. Donc, dans le vif du sujet, on a fini sur la mission Zelnik. Ouais. Bon, il y a encore quelques petits détails, mais bon, de toute façon, dans l'ensemble, c'est des propositions qui, soit avaient déjà été faites il y a très longtemps, et commence à être dépassé parce que beaucoup de personnes ont réfléchi dessus et ont vu que c'était pas des bonnes idées. Soit c'est des idées poussées par les lobbies de la musique qui sont pas forcément des bonnes idées. Donc voilà, beaucoup de choses. D'accord. Donc on passe à la deuxième partie du développement. Donc une deuxième partie du développement qui sera donc un sujet technique sur les radiocommunications par monsieur Hertz. Il faut que je change de place. D'accord. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. Voilà, donc retour dans le studio. Un petit jingle maison. Aïe, le genou. Oui. Désolé. Non, on ne détruit pas le studio. On a dû réorganiser un petit peu tout ça, le matos, les gens. Ouais. Voilà, mais c'est fait. Vous êtes donc toujours sur donc l'émission Random, sur et donc là on fait un sujet sur les radiocommunications. Voilà. Donc les radiocommunications, donc c'est des ondes radio. Donc les ondes radio, bah, ça nous traverse 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et je trouve un petit peu logique bah, qu'on sache à quoi ça sert et ce qu'on peut en faire. Donc, bah, on va commencer un petit peu par la base. Qu'est-ce que c'est une émission radio? Les émissions radio, c'est les petits électrons qui se baladent dans les airs à une certaine vitesse. Et pour faire ça, c'est imaginez par exemple une corde à linge. Vous faites passer un électron dessus, il avance tranquillement. Et de l'autre côté, vous en faites passer un autre. Et quand ils vont se rencontrer, il y en a un des deux qui va partir. Donc à la vitesse à laquelle vous allez faire changer le sens et tout ça, vous allez avoir une fréquence où ces électrons vont se balader dans les airs. Donc cette fréquence radio, elle a un impact sur la façon dont ces ondes nous traversent. Alors certaines fréquences, par exemple, les plus basses, elles vont aller très loin. Et d'autres vont aller beaucoup moins loin, mais permettront de faire passer plus de choses. Donc l'idée, c'est que suivant ces différentes fréquences, on a un plan en France qui dit, bah voilà, pour telle plage, on fait tel type d'application. Ce qui se passe donc, c'est que il y a des plages qui sont publiques, donc les fréquences libres. Il y a des fréquences qui fonctionnent sous licence, donc par exemple vous êtes une entreprise, vous avez besoin de communiquer avec vos employés ou autre chose, vous payez une licence mensuelle. Et il y a d'autres plages, là c'est une autre histoire, c'est carrément le gouvernement qui se les garde, ou donc militaire, gendarmerie, police, tout ça. Donc ça c'est encore moins plus vicieux à s'interroger là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut entendre sur les différentes plages de fréquences? Il y a un petit peu de tout. Il y a principalement c'est de la voix. Ce que vous avez actuellement là, par exemple, le plus connu, c'est la bande FM. Vous avez les grandes ondes, les petites ondes, donc même chose. La bande FM, vous avez ça au niveau d'un pays. Si vous allez sur des autres bandes de fréquences, vous pouvez couvrir l'international. Donc les ondes courtes, les grandes ondes, tout ça. On a la télévision. Ça c'est relativement connu forcément, même si c'est pas forcément quelque chose de super intéressant vu ce qu'on y fait en ce moment dessus. Il y a des fréquences qui sont encore plus élevées. Là c'est pour les satellites, donc même chose, c'est très connu. Hein. Je sais pas si on peut citer de marque, enfin quoi qu'il y en a plus qu'un seul en France de fournisseurs de bouquets télé par satellite. Et donc ça c'est plus destiné en fait à une institution ou un... une entreprise qui veut diffuser un contenu à tout le monde. Et l'autre façon de faire, c'est d'acheter des fréquences pour communiquer d'une personne à une autre. Donc là, on a, donc je vous disais, communication privée avec licence, donc les talkie-walkie, les taxis, les agents de surveillance dans les grandes surfaces, les services de secours, donc tout ce qui est ambulance, SAMU, pompiers, les unités de recherche. Donc ce n'est pas des fréquences qui sont réservées? Ce sont des fréquences qui sont réservées par l'État. Alors, il y a tout ce qui est service de secours, ça c'est au niveau national. Donc on a une autorité en France, donc c'est l'ART, qui, même chose, vous dit, par exemple, voilà, telle plage de fréquence, on sait que ça va porter à telle distance, et on va se les garder pour SAMU, pompiers, police. Pour les autres plages de fréquence qui portent un peu moins loin, ça on va réserver ça aux petits talkie-walkie, à des jeux, à des télécommandes, enfin tout ce qui est un peu moins pro. Donc chaque flash de fréquence et que vous voulez, vous allez aller voir l'Arte, vous leur dites j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de ça à tel endroit, et ils vous disent ce sera autant, et vous pourrez utiliser telle bande passante, puisque c'est un petit peu comme les réseaux, on a une notion de bande passante aussi. Et ils ont quel type de contrôle là-dessus sur les contenus qui passent? Aucun? Si, il y a un contrôle. Donc au niveau du pays, on a plusieurs stations qui sont chargées en fait de regarder qui émet sur quelle fréquence, à quelle puissance. Parce que la puissance à laquelle on émet, c'est aussi quelque chose qui est inclus dans les contrats de la licence. Et ils vous disent, bizarrement, il y a un gars qui fait de la radio amateur avec 12 000 milliards de kilowatts. On n'a pas envie qu'il fasse griller tout ce qui est autour de lui. Et assez rapidement, en fait, avec ces stations, non seulement ils savent que vous n'avez pas le droit d'utiliser cette plage-là, mais ils savent vous localiser, très très précisément. Donc le contrôle se fait comme ça. Et bon, contrôle des licences, mais je suppose que ça peut aussi servir pour contrôler, bah voilà, écouter ce qui passe, tout simplement. Oui. Donc ça, c'est toutes des communications qui sont la plupart du temps en clair. Donc avec un poste de radio standard, on peut le recevoir assez facilement. Mais on a des communications qui sont un peu moins, un peu moins libres, hein, ou libres d'écoute, j'entends, hein, pas libre d'utilisation. Tout ce qui est donc les talkie-walkie du commerce, les cibistes, ça, il y a une période où ils vendaient les cibis dans les paquets de lessive. Là, ce sont des fréquences qui sont écoutables par n'importe qui, mais où la plupart des gens, ils parlent de choses et d'autres privées, complètement privées. Donc vous arrivez, vous avez un petit récepteur, vous entendez tout. C'est un petit peu ce qui a généré une passion chez beaucoup de Français. Ça s'appelle la radio écoute. Donc on achète du petit matériel, on se met à scanner un petit peu toutes les fréquences qu'il y a autour de soi et on écoute ce qui passe. Donc autant les fréquences qui sont non cryptées, on écoute, mais il y a d'autres fréquences qui sont réservées et en plus non désirées, qu'on s'intéresse à elles. Donc par exemple, vous avez les services de l'ordre, tout simplement, donc police, gendarmerie, les militaires, ça, ils ont horreur de ça, qu'on les écoute. On a quoi ? On a tout ce qui est communication numérique, les téléphones, les GSM et tout ça. Bon, ça, c'est autre chose, c'est encore... c'est bien crypté aussi. Bien crypté, bon. Bon. C'est, l'algorithme a été trouvé, mais c'est pas pour autant que, comme il disait dans les différents articles, que du jour au lendemain, on va pouvoir se balader avec un petit appareil sur soi et puis entendre tout ce qui passe. Non, mais pour des organisations déjà organisées, qui ont du pognon, qui ont des moyens... Ça le faisait déjà avant que le A51 était cassé, et elle se prenait carrément un appareil fourni par le constructeur. Donc ils ouvrent la valise, ils sortent l'antenne, et puis voilà, c'était fait. Ouais. Et ce qu'il fallait savoir, c'était que à l'époque, ce que j'avais entendu, c'est qu'on avait une valise donc, qui servait d'antenne GSM, ça le faisait passer pour un émetteur. Et sur certains téléphones, on a la possibilité de leur dire, écoute, tu viens sur moi parce que je suis plus puissant, je suis plus proche, mais tu ne crypteras pas les données. Tu vas tout transmettre en clair. Et il y a les trois quarts des téléphones qui disaient, oui, pas de souci, je transmets en clair. Donc des méthodes comme ça, il y en avait déjà pas mal avant. C'est juste que là, avec le A51 qui est cassé, on va leur dire, c'est possible et faut pas forcément être riche pour le faire. D'accord. J'attends de voir les développements. Ouais. Bon, et donc, avec tous ces types de matériel, talkie-walkie, etc., toutes ces fréquences, qu'est-ce qu'on peut, enfin, quel type de matériel est-ce qu'on peut écouter tout ça? En fait, on a du matériel qu'on fait façon maison. Sur Internet, vous avez des plans, des petits circuits électroniques avec 3-4 composants, vous écoutez ce que vous voulez pour une fréquence précise. Après, si vous mettez un peu plus d'argent dedans, on a des scanners, donc c'est des petits appareils qui sont à une bonne centaine d'euros, qui eux par contre permettent de recevoir tout quasiment, dans la mesure encore une fois où ce sont les émissions qui sont en clair. Donc c'est en vente libre, et ça sert à rien de dire on ne les vend plus du jour au lendemain, puisqu'on peut les faire soi-même de toute façon. D'accord. Et donc on peut écouter des trucs qui passent dans les ondes. Là, pour l'instant, tu nous as parlé que de la voix. Y a d'autres trucs qu'on pourrait écouter ? Donc, au niveau du matériel pour le GSM, il y a Gutek qui disait que la valise s'appelle le GA900, en fait. Comme ça, donc après... Si vous voulez rechercher. Voilà, cherchez sur Google et puis essayez d'en importer quelques-uns en France, qu'on rigole un peu. N'essayez pas le Google chinois. Pour rechercher ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, à part la voix, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écoutable ? Alors, là, c'est la partie qui est la plus intéressante, c'est à part la voix, donc il y a tous les réseaux numériques. Réseaux numériques, même chose, vous avez la possibilité par exemple d'avoir des réseaux comme de l'Ethernet par radio, vous avez de la radio-messagerie, donc les TamTam, les Kobi, AlphaPage qu'on avait à l'époque. Ça existe encore ces trucs-là ? Ça existe encore, c'est la société AlphaPage qui a repris ça. Et qui s'en sert par exemple pour les pompiers et les services d'urgence, ou dans les hôpitaux, vous avez les infirmières qui ont ça à la ceinture et elles ont le numéro de chambre qui a sonné, qui vient de s'afficher. Donc c'est encore utilisé. À l'époque, il y avait tout ce qui était photo de presse quand on partait à l'étranger, qu'il fallait transmettre assez loin, qu'il n'y avait pas encore internet, ça faisait une transmission par facsimilé. Donc c'est pareil, quand vous écoutez ces fréquences-là, vous avez un un petit peu comme les modems de l'époque. Donc il faut avoir un petit peu de matériel. On a les radioamateurs qui s'amusent aussi pas mal à faire ça eux-mêmes en disant bah, voilà, je veux émettre. Ouais. Et au niveau de tout ce qui est UMTS et HDSPA et ouais. HSDPA, oui. Il y a des choses qu'on peut écouter Non, du tout. Il n'y a rien. Il y a pas de. Enfin, si on a les grosses valises qui, à mon avis, doivent exister pour la 3G, l'UMTS et tout ça. Mais au niveau du particulier, là, je parle vraiment de l'amateur, il n'y a rien de possible pour l'instant. Ou alors, il faut vraiment investir des grosses sommes, avoir des grosses connaissances. Et puis se fabriquer un énorme établi rempli de matos pour tout écouter ça. Mais non, c'est clairement pas faisable. Donc le GSM, tout ça. Alors par contre, à noter, il y a le DECT qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Donc le DECT sont les petits téléphones que vous avez à l'intérieur de la maison, qui ne sont pas les téléphones qu'on pouvait capter avec une CB comme à l'époque, ils sont en numérique. Et il y a eu des failles de sécurité là-dessus, où vous lancez un petit logiciel sur le PC avec une carte précise, et vous pouvez enregistrer les communications de tous vos voisins. Ça, c'est la téléphonie, c'est les téléphones sans fil. Téléphone sans fil, voilà, d'intérieur, on va dire. On a. Sinon, parfois, pour écouter ce que font les voisins, il y a simplement de demander au téléphone de pairer, de faire une paire avec la base. Il faut aller sur la base du voisin et puis. Parfois, il y a juste un code PIN à rentrer et qui est souvent à 000 ou à 8888. C'est ça. Mais bon, ça c'est un petit peu facile. Donc toutes ces communications-là, on a aussi des choses qui sont plus intéressantes. Si vous voulez débuter assez rapidement, il y a trois gros systèmes qui sont marrants à écouter. Donc vous prenez un PC, vous branchez la carte son sur votre appareil, et vous pouvez écouter. Donc il y a la PRS, donc c'est par exemple quand vous faites des recherches de personnes disparues, ça indique la position des sauveteurs géographiquement, pour éviter d'avoir des trous et de louper la personne qui est disparue. Vous avez la CARS. Alors la CARS, c'est tout ce qui est aviation, qui transmettent en numérique entre eux et le sol. Donc par exemple, les commandants de bord belges, dès qu'il y a Justine Hénin qui est en train de faire un match, ils reçoivent les résultats par la CARS. Donc même chose, c'est un petit logiciel qui s'appelle la CARS D, qui est libre et qui fonctionne sous Linux. Le POCSAG. Alors le POCSAG, c'est le protocole pour tout ce qui est radio-messagerie, donc ce que je disais, COBI, CAMTAM, AlphaPage. Là-dessus, vous recevez par exemple les alertes pour les pompiers. Ça peut toujours être marrant à regarder. Et pour tout ce qui est radio amateur, c'est multimode. Donc même chose, vous allez sur la fréquence et puis vous pouvez voir un petit peu tous les dialogues qu'ils font. Donc voilà. On va peut-être... on peut conclure ou c'est conclu ? On peut conclure en disant que voilà, tout ce qui est en clair, écoutez. Mais il y a des protocoles qui sont privés. N'allez pas trop loin, n'essayez pas de décrypter ce dont vous n'avez pas le droit, surtout tout ce qui est autorité. Ne cherchez pas non plus à essayer de trouver leur fréquence à publier, c'est super dangereux et il y a déjà des personnes qui ont eu des petites descentes chez eux. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On se souvient de l'affaire Larsen pour ceux qui connaissent, pour celles et ceux qui connaissent. Ok, donc là on a fini. Ouais. Voilà, donc on va pouvoir passer à l'agenda. On se retrouve dans 7 secondes 15 pour l'agenda. Random, l'émission des hackers qui sortent de leurs bunkers. Et donc, on revient pour l'agenda. Alors, l'agenda, il y a quelques petites dates. La plupart des choses, on les avait déjà annoncées. Demain, lundi 18 janvier, il y a donc les lundis des libertés numériques par l'association CLX. Cette fois-ci, ce sera une conférence qui s'intitule « Utilisez votre cadeau de Noël numérique librement ». C'est à 19h30. Le 26 janvier, il y a une conférence sur la sécurité informatique à l'université Lille 1. A priori, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez peut-être essayer d'envoyer un mail à la personne qui s'en occupe au niveau de Lille 1. On mettra tout sur le site web de l'émission. Et puis également, le dimanche 31 janvier, ce sera la Random 008. Cette fois-ci, c'était la 007. Mais non, on n'avait pas les James Bond Girls. Et il n'y avait pas les James Bond Girls, non, il n'y avait pas les DGSC Girls aujourd'hui. On les ramènera peut-être par la suite. Et puis le vendredi 5 février, meeting 2600 Lille. Toutes les infos sont sur www.2600lille.org. Et c'est donc l'heure de clore cette émission de Random. Nous vous souhaitons donc une excellente soirée. Et puis. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Même onde. Bonne soirée à vous et on laisse la place à Chupavimento, votre émission électro préférée. Bonne soirée.